Nouvelle huitième, la barre corrigée. Il y eut autrefois à Gênes un gentilhomme commerçant, connu sous le nom de messire Hermain de Grimaldi, qui passait pour le plus riche particulier qu'il eut alors en Italie. Mais autant il était opulent, autant était-il avare. Il n'ouvrait jamais sa bourse pour obliger qui que ce fût, et se refusait à lui-même les choses les plus nécessaires à la vie, tant il craignait de faire la moindre dépense. Bien différent cela des autres Génois qui aiment le faste et la bonne chère. Il poussa cette ladrerie si loin que ses concitoyens lui ôtèrent le surnom de Grimaldi pour lui donner celui d'Hermain l'avare. Pendant que par son économie sordide il augmentait tous les jours ses richesses, arriva à Gênes un courtisan français nommé Guillaume Boursier. C'était un gentilhomme plein de droiture et d'honnêteté, parlant avec autant d'esprit que d'aisance, généreux et affable envers tout le monde. Sa conduite était fort opposée à celle des courtisans d'aujourd'hui, qui, malgré la vie dépravée qu'ils mènent et l'ignorance dans laquelle ils croupissent, ne rougissent pas de se qualifier de gentilshommes et de grands seigneurs, et qui auraient plus de raison de se faire appeler du nom de ces animaux à longues oreilles, dont ils ont pour la plupart les mœurs et la stupidité plutôt que la politesse de la cour. Les gentilshommes du temps passé étaient sans cesse occupés à mettre la paix dans les familles divisées, à favoriser les alliances convenables, à resserrer les nœuds de l'amitié. Ils se faisaient un devoir et un plaisir d'égayer les esprits mélancoliques et chagrins par des propos aussi joyeux qu'innocents, de secourir les malheureux et de rendre service aux hommes de tous les états. Ils cultivaient leur esprit pour se rendre utile et intéressant dans la cour où ils vivaient, et ils étaient surtout attentifs à réprimer, par une juste censure et avec la douceur d'un père à l'égard d'un enfant, les vices et les travers de leurs inférieurs. Les courtisans de nos jours font presque tout le contraire. Ils ne s'occupent qu'à se nuire réciproquement, à se susciter des querelles et des haines, par des propos ou des rapports malins, à se reprocher les uns aux autres leurs excès et leurs turpitudes. Tour à tour altiers et bas, flatteurs, caressants, tyranniques, injustes, méchants, cruels, on les voit sans cesse dégrader leur noblesse et avilir leur rang. Le plus recherché, le plus chéri, le mieux récompensé de ceux qui occupent les premiers postes est, à la honte du siècle, presque toujours celui à qui on a reproché le plus de défauts, de vices et quelquefois de crimes. N'est-ce pas là une preuve évidente que la vertu n'habite plus aujourd'hui parmi les hommes, puisque ceux qui sont surtout destinés à lui rendre hommage et à la faire régner croupissent sans honte dans la fange du vice? Mais pour reprendre le sujet de mon récit, dont une juste indignation des mœurs actuelles m'a peut-être un peu trop écarté, je vous dirai que Guillaume Boursier fut visité et honoré de toute la noblesse de Gênes. Il eut bientôt occasion d'entendre parler de l'avarice de messire Hermain et de la vie malheureuse qu'il menait, et il lui prit fantaisie de le voir. Hermain, qui, tout avare qu'il était, avait conservé un reste de politesse, et qui, de son côté, avait entendu dire que messire Boursier était un fort galant homme, le reçut de bonne grâce, et soutint à merveille la conversation qui roula sur différents sujets. Il fut si enchanté de l'esprit et des manières polies de ce courtisan qu'il le mena, avec les Génois qu'il avait conduits chez lui, à une belle maison qu'il l'avait fait bâtir depuis peu et qu'il voulait lui faire voir. Quand il lui en eut montré les divers appartements, « Monsieur, lui dit-il en se tournant vers lui, vous qui me paraissez si instruit et qui avez vu tant de choses, ne pourriez-vous pas m'en indiquer une qui n'eût jamais été vue et que je voudrais faire peindre dans la salle de compagnie ?» Boursier, sentant le ridicule de cette demande, « Fais-y peindre des éternuements, lui répondit-il. C'est une chose que personne n'a jamais vue et qu'on ne verra jamais. Mais si vous voulez, ajouta-t-il, que je vous en indique une qu'on peut peindre, mais que certainement vous ne connaissez pas, je vous la dirai. Vous m'obligerez, monsieur, lui répondit messire Hermain, qui ne s'attendait sans doute pas à une telle réponse. Eh bien, reprit Boursier, faites-y peindre la libéralité. Ce mot, ce seul mot fit une telle impression sur messire Hermain et le rendit si honteux qu'il prit soudain la résolution de changer de système et de tenir une conduite différente de celle qu'il avait eue jusqu'alors. « Oui, monsieur, répondit-il un peu déconcerté, oui, je ferai peindre la libéralité, et si bien que ni vous ni aucune autre personne, de quelque qualité qu'elle puisse être, ne pourra désormais me reprocher que je ne l'ai ni vu ni connu. » En effet, messire Hermain changea tellement de conduite et de sentiment qu'il fut depuis ce jour-là le plus libéral et le plus honnête génois de son temps et celui qui recevait le mieux les étrangers et ses propres compatriotes.